Et salut tout le monde, bienvenue à un autre épisode de Magic 101. Ceci est le quatrième épisode, mon nom est Guillaume, je suis votre animateur, et pour se joindre avec moi cette semaine, là j'ai quelque chose de nouveau. Siege Renault, Giraldo, ouais, ça c'est mon idole. Ah ben tabarnouche, hey, bonsoir les sportifs. Ça va Renault? Oui, ça va bien. Excellent. Oui, ça va bien. Écoute, là, ça va bien. Je ne vais pas entrer trop dans les détails, mais pour ceux des auditeurs qui sont en fin de session, comme je le suis, c'est ça. Vous savez c'est quoi. Donc, mais là, j'ai déposé des gros travaux à l'école. Fait que tout va bien. Fait qu'on peut se concentrer sur Magic ce soir. Ça me fait bien plaisir. Renaud, cette semaine, on va déjà rentrer dans le vif du sujet. Il n'y aura pas trop de blabla en tout début. Et justement, je voulais te proposer une petite activité, comme à peu près à l'épisode 2. En fait, pour ceux qui le savent, dans le fond, en fin de semaine, c'était les Worlds, donc les 24 meilleurs, ben, pas nécessairement les 24 meilleurs joueurs, mais 24 des meilleurs joueurs qui sont sélectionnés selon certains critères par Wizards étaient invités à jouer un tournoi durant la semaine dernière et la finale était en fin de semaine. Et la finale s'est passée, spoiler alert, entre Patrick Chapin et Shahar Shenhar. Et Renaud, tu m'as dit tantôt, on jasait hors d'onde, tu m'as dit que tu avais vu le premier match. Et ça tombe bien parce que ce que je voulais te proposer, c'était la main d'ouverture de Patrick Chapin. Parce que lorsque je l'ai vu, je me suis dit, mon Dieu, c'est une décision difficile. Et je me suis tout de suite demandé, mais qu'est-ce que Renaud en penserait? Donc, donc je te lance ça. Donc, notre main d'ouverture, là, comme tu sais, on a perdu le premier match. On joue contre CDC Whip. Et on joue contre Shahar Shenhar. On joue le deck Abzan Midrange, mais on joue une liste qui joue quand même pas mal de Planeswalker. Une liste qui ressemble un peu à la liste de Harry Lax qui avait gagné le Pro Tour. Je sais pas si tu avais écouté le Pro Tour de Cons of Tarkir, mais en tout cas, c'est Harry Lax qui avait gagné avec une liste Abzan qui avait quand même pas mal de Planeswalker dans la liste. Et ta main de départ, tu te retrouves avec une plaine. Un Temple of Malady, un Urborg, je sais pas comment bien le dire, mais c'est ça, un Windswept Heat, donc on est rendu à 4 lands, et un Llanowar Waste, donc 5 lands. Les deux autres cartes, c'est Elspeth et Bile Blight. C'est ta main de départ. Et tu joues contre CDC Whip et ton adversaire. Tu sais pas encore s'il va mulliganer ou pas parce que c'est toi qui est sur qui commence, donc c'est toi qui dois dire en premier si tu gardes ou tu mulliganes. Donc ce serait quoi ta réflexion quand tu vois cette main-là de Temple of Malady, Plain, Urborg, Llanowar Waste, Windswept Heat et Elspeth et Bile Blight? Ben, je te dirais contre CDC Whip pour Abzan, c'est vraiment très intéressant de voir dans sa main de départ. Un tortise, il n'y en a pas là. C'est un petit peu désagréable. Si tu es capable d'enlever une source qui permet de filer de mettre des cartes dans le graveyard rapidement, des fois tu vas être capable d'y enlever un peu de tempo, d'enlever CDC. Par contre, le fait qu'il y ait Bile Blight sera la chose un petit peu rassurante pour Patrick parce que si CDC entre en jeu, le trigger de CDC va aller sur le stack. Si CDC meurt avant que le trigger résout, il n'y aura pas de token zombie qui vont être mis. Ouais. Déjà, il y a le premier CDC qui est géré pour Patrick. Puis, Elspeth, c'est vraiment une très bonne carte dans ce match-up-là parce que ça permet de mettre des créatures qui peuvent bloquer sur le sol pendant que tu gagnes l'avantage avec tes autres Planeswalkers. Mm-hmm. Donc, il y a une partie du plan de match là, qui est dans cette main-là. Remplace une laine par un tortise, puis c'est sûr, certain 100% que c'est une bonne main. Okay. Par contre, le fait qu'il y ait 5 laines, c'est un petit peu désagréable, surtout que il y a juste une de ces laines-là qui est un Skyland. Fait que, ouais. C'était un choix difficile à faire, mais d'avoir le Bile Blight et l'Elspeth qu'on est pratiquement sûr à 100% de pouvoir jouer tour 6. Ouais, ça dépend parce que CDC joue Disdainful Stroke pas mal mainboard. En fait, on est game 2, donc pas mainboard, mais t'es pas mal sûr qu'il pourrait jouer un Disdainful Stroke. Fait que ta seule grosse carte, est-ce que tu tapes out tour 6? C'est sûr, d'ici là, ça va sûrement piger quelque chose, mais moi, je suis pas sûr que la Hellspet que je vois dans mes mains, je suis pas sûr, dans ma tête, c'est sûr qu'elle se fait qu'elle va se faire counterspell, ou à peu près, je joue contre un deck qui a du bleu dedans. On est sideboard, je sais pas. Je suis pas sûr, moi, que Elspeth est sûr de se rendre sur le board. Puis aussi, tu me dis que. Non, mais au moins, il sait qu'il va pouvoir la jouer. Ouais, c'est sûr. Puis. Quoi que contrairement à d'autres decks plus tempo comme Jeskai, Abzan peut se permettre des fois d'avoir des mains un peu plus légères en spell parce que à peu près tous les spells qu'il va piger sont solides. Puis. Produisent un impact sur la partie rapidement. Je vois où est-ce que tu vas en venir, mais moi c'est pas une bonne main, là. C'est définitivement pas une bonne main, mais est-ce que c'est mieux que 6 cartes? Patrick Turpin a décidé que oui. Ouais. Puis c'était difficile de faire ce choix-là. Oui, parce que tu vois, moi, je suis semi d'accord avec ce que tu dis que Elspeth c'est une bonne carte dans le match-up. Je comprends qu'il l'a gardé, puis c'est clair que c'est une bonne carte. Si Patrick Chapin décide que c'est une bonne carte, c'est une bonne carte, mais au sens où pour moi, dans le match-up, entre Abzan et CDC, puis là, corrige-moi si je me trompe, mais dans la mesure où à Magic, il doit, comme la plupart du temps, avoir un joueur qui est plus l'agresseur, puis un qui est plus contrôle, j'ai l'impression que le plan de match d'Abzan, c'est. Essayer de descendre l'autre le plus bas possible, le plus vite possible, dans la mesure des outils du deck, évidemment. Là. C'est pas un deck aggro, mais quand même. Et Elspeth, dans le fond, elle n'accomplit pas ça du tout. Puis en plus, c'est que un des problèmes d'Abzan contre CDC, de ce que moi je comprends, c'est plus Ornett Queen, puis ça te fait des 5-5 flying de toute façon. Donc, je sais pas moi jusqu'à quel point que Elspeth c'est un bon plan, mais encore là, tu sais, je suis pas un expert du match-up. Ça fait 4-1-1 flying. Ouais, 4-1-1 flying. Flying dead touch. C'est ça, exactement. Fait 4 flying dead touch, puis 2-2 flying dead touch. C'est ça, fait que pour moi, c'est plus ça le problème de Abzan devant CDC. Fait que moi, dans ma tête, tu veux essayer de finir le match le plus rapidement possible. Puis là, ce que tu as dans tes mains en ce moment, t'as rien du tout qui te permet de mettre zéro pression. Tu donnes tout le temps voulu à l'adversaire de jouer ce qu'il veut. Je pense pas que Abzan peut se permettre contre CDC de se mettre en position de contrôle comme la main de Patrick Chapin l'amenait à avoir. T'sais. Ce qui est un peu particulier, c'est que si tu te bases sur Fleeceman Lion ou des choses comme ça pour mettre de l'agression rapidement, il peut gagner beaucoup de temps en étant capable de mettre un CDC, des tokens, Satyr Wayfinder, Courseur Crufix, Sable Plantant, Fleeceman Lion. Fait que je pense que le plan de Patrick Chapin, vu que CDC est très bon pour bloquer sur le sol. C'était d'aller plus gros, puis d'essayer d'être plus gros. Je pense que c'est ça le plan qu'il a pris. Ça n'a pas fonctionné. Probablement que c'est juste il n'y avait pas les outils pour faire ce que tu disais, puis que quelque chose comme Jeskai ou qui a plus de reach avec des Storm of Flames ou des choses comme ça, elle serait capable de finir une partie une fois en contrant le whip, bien entendu, là, mais en stabilisant. Une fois que CDC a stabilisé, d'être capable de le finir avec des. Mais Chapin n'avait pas accès à ce genre de choses-là. Ouais. Fait qu'il fallait que, à la fin de la partie, parce que la partie allait prendre du temps de toute façon à cause de tous les bloqueurs de CDC, fallait que Chapin ait quelque chose pour aller plus gros. C'est pas évident. Un très bon match-up pour Abzan. CDC. Non, c'est ça, exactement. En fait, c'est ça, à la limite, CDC, c'est fait pour battre Abzan, à la limite. Là, ça a été en partie construit pour ça, j'imagine. Si on revient, avant de passer à autre chose, d'un point de vue général, toi, tu préfères quoi? 5 lands, 2 cartes? Je sais que c'est très général comme question, mais ou 2 lands, 5 cartes, mettons 5 spells. Là. Ça dépend de ce que je joue. Là. Ouais, évidemment. Si tu joues un deck aggro, c'est ça, exactement. C'est trop. C'est un petit peu trop général comme ouais, question. c'est trop général comme question, mais c'est juste que pour moi, c'est que quand. Ah, mais par contre, là, il y a une expression qui dit screw beats flood, en expression anglaise, là, les joueurs utilisent des fois, là, mais si tu as beaucoup de spells puis que tu n'as pas beaucoup de land au début de la partie, si tu es capable de survivre, généralement, tu vas être capable de, une fois que tu piges tes land, de revenir dans la partie parce que l'autre. S'il n'y a pas de spell, puis qu'il y a juste des lames, je vais perdre la partie. Parce que, évidemment, si tu manques de land, ben, tu vas perdre. Si tu n'as si pas de land assez rapidement, puis qu'il y a de l'agression, puis s'il n'y a pas de pression, puis que tu es capable de te rendre, tu risques de gagner. Mais écoute, merci Renaud d'avoir fait l'exercice du mulligan. Fait que toi, t'aurais pris le même choix que Chapin, puis t'aurais gardé cette main-là. Moi, je sais pas. Je dis pas que j'aurais fait ce choix-là. Non? Je sais pas qu'est-ce que j'aurais fait. J'ai pas pensé à ça Ouais. assez. Puis j'ai pas assez joué à Abzan moi-même pour pouvoir le savoir. Mais sachant l'interaction avec de Beyblade avec CDC, Ouais. Puis je pense que c'est exactement ça qui est arrivé justement là. je peux comprendre pourquoi Chapin a fini par décider de garder sa main. Ouais, c'est ça. Le temple te permet de faire un scry. Après ça, bon, justement, quand il va jouer CDC, tu vas avoir une réponse. Ça va t'avoir laissé comme un 4 tours pour aller chercher peut-être des cartes pour mettre sur le jeu. Peut-être un Siege Rhino. Fait que, non, c'est sûr que le deck, il partait pas de zéro. Mais je sais pas, j'ai été surpris de voir ce keep-là, sachant Il que peut Else piger était. curseur. S'il pige curseur, après ça, sa fetch land devient encore meilleure. Ouais. Donc, Non, c'est clair, c'est clair. Alors, comme exactement, je peux pas me permettre de critiquer Patrick Chapin. On s'entend sur ça. Donc, ben, c'est bon. Merci Renaud pour ça. Écoute, justement, tant qu'à être dans le World, dans le fond, la semaine du World est séparée en deux. La première partie, c'est individuel. C'est vraiment comme les Worlds. Puis, tu as aussi la World Magic Cup, qui est, elle, durant la fin de semaine. Et c'est un tournoi qui oppose différentes nations. Donc, les nations qui. Envoie des joueurs pour jouer des formats variés. Donc, on l'avait mis le lien la semaine dernière vers les formats qui étaient joués. Il y avait notamment un format super intéressant qui était standard, je ne me rappelle plus le nom exact, là, je ne sais pas si tu t'en rappelles du nom exact, mais comme un standard ou Unifié, standard unifié. unifié qui fait Exactement. qu'ils ne peuvent pas avoir entre les trois decks, ils ne peuvent pas avoir plus que quatre cartes la même 4 fois de la même carte. Donc, ça change un peu les decks. Et puis ça force les équipes à avoir des decks qui ont des approches différentes. C'est ça, un peu plus varié, là. C'est ça d'être dans. Tu peux Parce pas que si avoir. c'était possible de jouer toutes des Dig Through Time, probablement qu'il y a des équipes qui auraient joué 12 Dig Through Time. Ouais, c'est ça. Ou sinon, tout le monde joue Abzan. Tu sais, ça aurait fait un tournoi un peu plus plate, tandis que là, tu as été Non, obligé c'est ça. Ça rend la de chose intéressante parce diversifier. que, oui, c'est ça. Ça diversifie Et les équipes. dans le fond, je veux pas vendre nécessairement le punch à nos auditeurs qui n'auraient pas vu le Worlds. En même temps, je vois mal quelqu'un qui irait. Sur le site MTG Coverage en fin de semaine, ben, cette semaine pour aller écouter en boucle ce qui s'est passé. Donc, en fait, je vais vous le dire finalement, je vais vendre le punch. C'est les Danois qui ont gagné quand même une grande surprise et avec qui jouaient contre une équipe Cendrillon qui était la Grèce. Donc, je pense qu'il n'y avait aucun joueur dans la Grèce qui avait fait un proto top 8 et même aucun gagnant de Grand Prix. Donc, c'était une équipe qui était comme qui est sortie un peu du champ gauche, qui s'est rendue en finale. Donc, c'est intéressant quand même de voir que différents pays qui n'ont pas nécessairement des réputations de Magic ultra là, planétaire réussissent à bien s'en tirer dans un tournoi comme ça. Et personnellement, j'aurais aimé ça quand même que notre nation, la nation du Québec, soit représentée, mais malheureusement, c'était pas le cas. En fait, il y avait des joueurs qui vivent au Québec qui peuvent être représentés à la World Magic Cup en ce moment sont. Des joueurs qui doivent faire partie de l'équipe canadienne. Mais je pense que là-dessus, Renaud, t'as une Oui, ben réflexion à faire. justement, c'est intéressant que tu dises que c'est un tournoi entre les différentes nations, parce que ben, le Québec forme une nation, c'est même reconnu par le Parlement fédéral dans une C'est vrai, non, c'est résolution vrai. Mais moi, adoptée en 2007 ben par Stephen Harper, quand même. ouais, il Même donnait ça. la résolution dit que c'est une nation dans le Canada uni, mais peu importe, on va prendre tout ce qu'ils nous donnent. Malgré tout, et s'ils disent qu'on est une nation, ben on est une nation. Puis si Magic, le World Magic Cup est une compétition entre nations, Ça vaudrait la peine de se demander pourquoi le Québec n'est pas représenté. D'ailleurs, en termes de nations représentées au World Magic Cup, il y a Hong Kong, qui n'est pas un pays, mais qui est comme une ville sous-administrée là, dans la République populaire de Chine, Taïwan, qui est officiellement un État indépendant reconnu par l'Occident, mais qui n'est pas un État indépendant reconnu dans les pays orientaux. En Chine, il y a des imbroglios. Puis, si vous suivez un peu les nouvelles internationales, l'armée chinoise qui a des bateaux autour de l'île de Taïwan. Et c'est un contentieux qui est encore en cours aujourd'hui. Il n'y a pas de reconnaissance officielle de la part de la République populaire de Chine du gouvernement de Taïwan. Il y a le Royaume-Uni qui n'est pas représenté en tant que Royaume-Uni, mais qui est divisé dans ses quatre États constituants, le Pays de Galles, l'Irlande du Nord, l'Écosse et l'Angleterre. L'Écosse qui a tenu tout récemment un référendum sur son indépendance, 45% D'ailleurs. des Écossais se sont prononcés en faveur, 55% ont voulu rester dans le Royaume-Uni, sont restés dans le Royaume-Uni. Nous, on avait voté à 49,6%. Ouais, Donc, si on a une l'Écosse place à Magic. ça vaut bien peut-être une place à la World Magic Cup. Et Puerto Rico a voté récemment, en 2011, je crois, là, a fait, lors de la dernière élection présidentielle, il y avait aussi un référendum en même temps à Puerto Rico. Et ils ont voté pour une résolution pour faire une demande officielle afin de devenir un État américain. Donc, techniquement, Puerto Rico a une équipe à la World Magic Cup, mais si on fait partie de l'équipe canadienne, Puerto Rico pourrait très bien faire partie de l'équipe américaine. Ouais, dans ce sens-là, c'est ça. Fait que, mais c'est vraiment intéressant ce que tu dis là parce que, admettons, au-delà de la question identitaire, même si c'en est une, puis on pourra aussi y revenir, mais c'est aussi de la question du développement des joueurs. Puis on va s'entendre sur une chose là. Les joueurs qui gravitent autour de la scène de Magic québécoise se connaissent, tu sais, on va à Montréal, on va à Québec, on va à Drummond, on va à Sherbrooke, on va à Trois-Rivières, tu sais, au sens où des joueurs se connaissent, on est une communauté de Magic. Dans cette communauté-là, il y a des joueurs qui sont excellents puis qui gagneraient à avoir la chance d'aller jouer à un niveau élevé comme ça quand même de Magic. Tandis qu'on les connaît pas, les gens de Vancouver, on les connaît pas, les gens d'Alberta, tu sais, c'est pas la même communauté. Fait que c'est un peu ridicule que sur un aussi grand territoire, avec d'aussi grandes quand même différences culturelles, qu'on puisse pas au Québec avoir une équipe à Magic. Ce serait, ne serait-ce que pour le développement aussi des joueurs d'ici, moi je pense que ce serait une bonne chose. Puis de toute façon, c'est ça qui est plate, c'est qu'on est incapable, on dirait, au Québec et au Canada de pas comme voir là, une espèce de geste là, ultra politique. Puis on peut-tu juste se dire, ben regarde, on est une nation, on parle français, on se comprend entre nous, on peut-tu se faire une équipe de Magic puis aller jouer ensemble puis s'entraider, tu sais. Je sais pas, il me semble que c'est pas si compliqué que ça. Puis je trouve que des fois ça devient un peu trop comme ben je suis séparatiste ou je suis pas séparatiste. C'est pas tant ça là, c'est plus on est une nation, on parle la même langue, on joue au même jeu puis on aimerait ça s'entraider puis peut-être aller représenter notre nation. Puis aussi apprendre puis côtoyer d'autres mondes, tu sais, de d'autres nations. Fait que, comme tu dis, Puis le drapeau du Québec, c'est un beau drapeau. puis c'est un beau drapeau. Mais c'est ça, tu sais. Puis après ça, bon, dépendamment des allégeances politiques, si on veut aller un peu plus loin justement dans l'affirmation identitaire puis dans le fait que bon, ben, moi je veux qu'on ait un pays puis tout ça, ben ça c'est une autre histoire. Mais quand même, j'aime la démarche de dire, ben on est une nation, on a une langue commune, on a une histoire commune, puis on joue le même jeu, puis on aimerait ça être ensemble dans une équipe, puis ça serait bénéfique, en tout cas d'après moi. Pour la communauté de Magic francophone au Québec, puis En à la fait, limite même c'est. anglophone, tu sais, au sens même ça peut être des gens de Montréal, puis c'est pas obligé d'être francophone, mais quand Non, non, même. non, non, bien entendu que non. Cela dit, Guillaume, probablement que ça dénote une méconnaissance du fait français puis de la société distincte, étant donné que c'est pas reconnu officiellement dans la Constitution canadienne que le Québec est une nation. Puis même si le Parlement fédéral a adopté une petite résolution, cette résolution n'a pas de portée juridique. Donc, au final, après ça, quand on se regarde, à part la France ou le Vermont, là, qui sait vraiment que le Québec est une nation différente dans le reste du monde? Ouais. Donc, je peux comprendre les gens à Wizards de ne pas être au courant de cette situation-là. Et puis, peut-être qu'il faudrait faire les représentations nécessaires pour mettre au courant le département du jeu de haut niveau de Wizards et de leur faire comprendre que le Québec est une nation distincte et qu'on mérite d'avoir notre propre équipe Ben oui. à la World Magic Cup. Ça pourrait être Donc, c'est un intéressant. dossier à suivre. Moi, je serais porté à dire que plus on sera à faire cette remarque-là auprès de Wizards, mieux ce sera. Donc, on pourrait mettre les coordonnées, puis un Ben petit oui. courriel envoyé, dire hey, on existe, et puis on veut être là la prochaine fois. Ben oui, puis absolument. Puis de nos auditeurs, on partagera ça sur la page Facebook de la balado, mais ça peut être un sujet fort intéressant à discuter aussi avec nos auditeurs. Puis moi, j'insiste sur le fait que ça ne devienne pas non plus la politicaillerie de souverainiste ou pas, mais vraiment une réflexion sur la nation. T'sais, je pense que c'est pas grand-chose de reconnaître que les Québécois, il y a une nation francophone au Québec, puis que pourquoi pas qu'elle soit représentée, t'sais, dans certains événements, dont celui-là, t'sais, justement, qui n'est pas non plus, là, on s'entend, là, c'est pas comme un geste ultra politique de la part de Wizards de reconnaître le Québec comme nation pour les World Magic Cup, là, c'est pas comme, t'sais, on s'entend. Non, puis si l'Écosse, si le Royaume-Uni laisse, malgré son opposition farouche à l'indépendance de l'Écosse, mais laisse l'Écosse avoir une représentation même aux Olympiques, aux Jeux Olympiques, je vois pas pourquoi. Je vois pas en quoi ça ébranlerait les fondements du fédéralisme canadien. Ben écoute, dossier à suivre, je trouve ça bien intéressant comme réflexion, ne serait-ce que même si ça reste entre nous et que ça ne se rend pas plus loin, mais pourquoi pas, tu sais, pourquoi pas que ça fasse un changement et que dans les années à venir, il y ait une équipe québécoise au Mais je World pense que ça Magic vaut au Cup. moins la peine d'essayer. Ben ouais, excellent. Excellent. Ben tant qu'à être dans le World Magic Cup, justement, la finale, c'était standard, on en a parlé dans notre jeu d'ouverture. Et comme on a dit au dernier épisode avec notre invité Phil Asselin, on parlait un peu des PTQ, puis les pré-PTQ, puis qu'est-ce qui s'en venait. Et Standard est un format qui va quand même être très présent dans les prochains mois pour pouvoir faire les pré-PTQ notamment, mais d'autres tournois. Donc, je pense que ça pourrait être intéressant si on faisait un survol de Standard en ce moment, voir un peu c'est quoi qui, à quoi faut être préparé dans le fond quand on s'en va jouer à un tournoi qui est Standard. C'est quoi un peu la métagame en ce moment, à quel deck on doit être préparé, puis peut-être aussi avec quoi on pourrait arriver pour si on par exemple en ce moment on le sait tous, la finale c'était Abzan CDC et depuis le début du format, Abzan domine, il a gagné le Pro Tour, là une présence en finale, ça a gagné des tournois de SCG Open. Donc on sait qu'Abzan est là. Donc on pourrait se dire, bon ben je vais jouer Abzan, c'est le meilleur deck, mais aussi sachant que c'est un des très bons decks, comment on peut approcher la métagame de Standard en ce moment? Donc si on commençait par se dire, c'est quoi selon toi, Renaud, les decks là, t'sais, auxquels il faut être préparé quand on s'approche d'un tournoi standard? Ben, je pense qu'il faut avoir une certaine considération pour les decks qui utilisent des tokens en ce moment. OK. Ordering Outburst est une grosse carte en ce moment. Il y a beaucoup de gens qui l'utilisent soit dans Mardu Midrange, soit dans Jeskai Token. Ouais. Mardu Midrange, lui, va essayer d'utiliser l'Ordering Outburst pour aider la production, pour aider le Butcher à devenir meilleur. Ouais. Puis souvent, va faire trop Ordering Outburst. Ça l'aide aussi Goblin Rabble Master. Ouais. Le tour 3 Outburst, dans la tour 4, un Butcher qui a Haste, c'est vraiment très bon. Sacrifie juste un tiers de la carte pour lui donner Haste, fait que c'est vraiment pas si pire. Ouais, Ordling Outburst, juste 2 secondes. Dans le fond, c'est Sorcery Rouge, coûte un colorless, 2 rouges, puis ça fait 3-1 Goblin. C'est pour ça que ça aide le Goblin Rebel Master qui, lui, ouais, a plus d'attaque selon le nombre de gobelins qui attaquent. Oui, tout à fait. Puis dans Jeskai, c'est une carte qui est aidée par Jeskai Ascendancy. Ouais. vraiment beaucoup. Chaque ordering outburst permet de faire des tokens plus forts le tour d'après si on en recaste un deuxième ou quoi que ce soit. Ouais. Ici, dans ces decks-là, Raise the Alarm, qui est une commune de M15, qui met deux tokens soldats, mais en instant, ce qui fait que avec Jeskai Ascendancy, ça peut devenir assez brutal, assez rapidement, là. Ouais, il y a la liste de Jeskai Token c'est quand même une belle liste, je trouve. C'est bien fait, c'est concis. C'est une belle liste, honnêtement. L'impact que les tokens amènent sur la metagame, ça réduit la qualité de Heroes Downfall, puis de Murderous Cut, Ce qui en qui, anglais appelle le spot removal, là, qui est comme. ouais. Qui font pas grand-chose, là. On a vu dans le World Magic Cup, j'ai vu brièvement quelques matchs, mais j'ai eu l'occasion de voir Blue Black Control qui joue contre. Puis toi aussi, tu l'as vu, je pense. Contre Jeskai Token. C'était Neil Oliver contre Evenflock, je pense. Puis caster Rose Downfall sur un token. Puis il se demandait c'était quoi sa vie en ce moment-là. Quand tu mets tout un Heroes Downfall, tu Sur coûtes une 3. 1-1, puis qu'il reste une autre, c'est juste une moitié de 4. Non, non, C'est ça. non, ça marche pas bien. Non. Puis Ordering Outburst, c'est encore pire, c'est juste un tiers de 4. Ouais. Ça, c'est vraiment, vraiment ridicule. Puis contre Abzan a de quoi pour bloquer, mais son removal pas prêt à gérer dans le main deck en ce moment, pas prêt à gérer des tokens. D'ailleurs, je crois que Patrick Chapin avait perdu contre Yuya Watanabe qui jouait les tokens dans le World Championship. Ça se peut très bien. Puis, en fait, tu vois, Renaud, ça me fait penser que peut-être qu'une des affaires qui caractérise la metagame standard en ce moment, justement, c'est la largeur. Au sens où, si on pense à la metagame avant le nouveau, avant Khans of Tarkir, c'était plus vertical, au sens où c'était plus des grosses créatures qui attaquaient. Là, on va large. Goblin Rabble Master, ça va large, ça crée des tokens. T'as Elspeth qui crée des tokens. T'as Hordling Outburst qui crée des tokens. T'as la Hornet Queen qui crée des tokens. T'as plusieurs cartes qui sont en ce moment dans le standard qui vont plus sur la largeur que sur CDC, c'est pas CDC. large. Exactement. Donc, je pense que tu as raison là-dessus que. En ce moment, et c'est probablement en plus, c'est la fois où on n'a aucun. Là, j'ai le mot anglais, mais tu sais, Mass Removal qui coûte 4. Donc, le seul, on a End Hostilities qui coûte 5 pour faire détruire les créatures. Donc, ça donne Oui, du temps. tout à fait, mais dans ce contexte-là, il y a un qui coûte 3. OK. Oui, moi, je joue sur Magic Online une liste de Esper. OK. La semaine dernière, ça allait très bien. J'avais des roses dans le fort, puis ça allait très bien parce qu'il n'y avait pratiquement pas de token. Et Jeskai Tempo jouait Seeker of the Way, jouait Goblin Rabble Master, puis jouait Mantis Rider. Mm-hmm. Puis pour finir en fin de curve, soit Stormbred Dragon ou Mm-hmm. Sarkhan. Là, en remplaçant les Mantis Rider par des Hordling Outburst, puis les Seeker of the Way par des Raise the Alarm, puis des certains Planeswalkers par des Chandra, puis des Jeskai Ascendancy, ça rend Heroes of Fall vraiment mauvais. Fait que j'ai remplacé, là je me suis fait vraiment démolir en fin de semaine quand j'ai joué la liste d'Esper avec des Heroes of Fall, même si ça allait bien comme 3 jours avant. Puis je les ai remplacés par des Drowning Sorrow. Et puis ça va très bien, j'ai fait 4-0 hier, puis c'est très bon. Puis, dans le deck Esper que je joue Ashiok comme win condition, puis Elspeth. Puis, deux cartes que je considère comme étant les meilleures en ce moment en standard, soit Thoughtseize, puis Dig Two Time. Thoughtseize donne l'information, permet d'enlever une carte vraiment problématique que tu n'as pas de réponse en ce moment dans ta main, permet de sculpter la main pour faire en sorte que les Drowning Sorrow sont meilleurs. Puis les Dig Through Time, c'est juste la sélection de cartes à son meilleur. C'est joué même en vintage, donc il n'y a pas de raison de ne pas jouer cette carte-là en ce moment, à Ouais, mon avis. surtout dans un deck contrôle qui, dans le fond, cherche vraiment. Tu sais, même ton, je sais qu'en Legacy, tu as Treasure Cruise qui Oui, domine, évidemment. mais justement, tandis qu'en standard, tu as plus besoin de sélection, je pense, que de juste Mais dans un deck du jeu. contrôle, je mets un bémol à ça. Ouais. Si des decks comme Jeskai, Ascendancy, Token, là, ben, ils jouent des Treasure Cruise parce que ce soit Raise the Alarm ou Ordering Outburst ou Goblin Hammermaster, toutes ces cartes-là font à peu près la même affaire. Ouais, c'est ça, t'as pas besoin de code. Dans le deck contrôle, ben, si t'as besoin de Blight Blight maintenant, dès que True Time a pas mal plus de chances de te le donner que Treasure Cruise. Mm-hmm. Surtout que c'est en instant. Puis tu joues-tu 4 End Hostilities? Oui. Okay. Oui, quand même. Oh, ouais. Je joue 3 Draenei. En ce moment, 3 Draenei Sorrow, 3 Blight Blight, 4 End Hostilities. Quand même. Puis de pouvoir faire Thought Seize dans Blight Blight, dans Ashiok. Des fois, même si on dit que c'est un deck contrôle, mais c'est vraiment un deck contrôle plus. T'as du tempo aussi, quand même. Qui va se tap out. Mm-hmm. Tu vas taper du mana. Dans ton tour, là. Dans ton tour, il n'y a pas tant de permission que ça. J'ai 4 Dissolve puis 2 Negate main deck. Mm-hmm. Negate est rendu vraiment meilleur parce qu'ils ont remplacé quasiment toutes leurs créatures par des sorts qui font des créatures. Ouais. Puis ça frappe des Planeswalkers. Puis à peu près tous les decks jouent des Planeswalkers. Ouais, c'est ça, exactement. Les Planeswalkers sont partout. Negate, c'est une bonne carte, je trouve, en ce moment. C'est bien positionné. Ouais. Bon, évidemment, ça peut changer assez rapidement. Puis c'est un des problèmes des decks contrôle, c'est qu'il faut s'ajuster au reste pour être capable d'avoir une bonne configuration contre les decks qu'on s'attend. Ouais, c'est ça. Tandis qu'un deck comme Jeskai Token, si t'arrives, tu joues t'as vraiment ton plan de match, puis c'est ça que tu mets en place. Bon, tu vas jouer différemment selon ce que tu vas jouer, mais t'as pas besoin de vraiment changer toute ta configuration de ton deck en fonction de la metagame. Les decks contrôle, c'est pas mal plus sensible. Ben ouais, c'est clair, parce que c'est un peu pour ça que je pense que c'est bien établi en début de méta, parce que dans le fond, l'essence du deck control, c'est d'identifier qu'est-ce qui est joué beaucoup, puis de trouver les réponses pour, dans le fond, contrer les outils les plus fréquemment utilisés pour ensuite en profiter. Mais sauf que, oui, est-ce que. Un deck control vraiment bien monté dans une metagame connue, ça peut être assez dévastateur, là, parce que. Des fois, quand tu as juste dans tes 60 cartes, Mm-hmm. la gamer, si t'es capable de gagner la gamer, après ça, avec le sideboard en plus, là, tu peux vraiment détruire du monde assez facilement. Mais j'avoue, honnêtement, c'est ça, c'est qu'il n'y a pas vraiment de liste Esper en ce moment qui est de haut niveau. La liste n'est pas prête, là. Ouais, là, mais tu sauf peux que... vraiment te retrouver dans le trouble, là. Comme quand j'avais des roses dans le fall. Là, ça n'allait pas vraiment pas très bien. Mais j'aime l'idée, honnêtement, le fait que Thought Seize soit bien positionné en ce moment, donc c'est vers le noir. Le fait que Dig True Time pour un deck control, écoute, c'est du bonbon, fait que ça t'amène vers le bleu. Puis le blanc est tout à fait justifié avec des win conditions. J'imagine que tu joues des Elspeth. Ouais. C'est ça. Et des End Hostilities, justement, pour Elspeth, aller. End Hostilities, dans le sideboard, t'as des Erase pour les Whip, pour Courseur. Tu peux jouer des Other Hand aussi, je sais pas si t'en as dans le sideboard, des Other Hand. Other Hand, il y en avait un dans le main deck. Ok. Ça te permet d'avoir une réponse à peu près tout. Là. Exactement. Justement, c'est bon d'en avoir un à cause de Dig Through Time, ça permet d'aller chercher. Ouais. Puis souvent, Abzan, d'autres cartes, on va avoir comme réponse Banishing Light. Ouais. Plutôt que Heroes Downfall pour pouvoir frapper des choses comme Jeskai Ascendancy ou des trucs comme ça. Ouais, puis honnêtement, j'ai l'impression que dans l'évolution de la metagame, c'est direct au bon moment. T'es exactement au bon moment pour jouer contrôle. Parce que, tu sais, au tout début, il y avait un peu plus Boss Slab, Mono Rouge, dans le fond, qui était là. C'était un peu plus agressif, justement. La version de Jeskai était un peu plus agressive aussi. C'était quasiment Burn, là, au début, Jeskai. Et là, vu que c'est les decks plus mid-range qui commencent à prendre la place, dont Abzan, CDC qui est plus contrôle que mid-range, mais quand même, il y a quand même pas mal de bloqueurs, comme tu dis, donc c'est presque du mid-range, plus que du contrôle, à mon avis. Fait que là, le deck contrôle contre mid-range, c'est parfait, dans le fond, puis t'auras pas tant de decks hyper aggro à gérer, puis si oui, ben, t'as juste à avoir une partie de ton sideboard qui est dédiée à gérer les decks aggro, puis d'après moi, ça sera pas une grosse partie du champ de joueurs là, dans un prochain tournoi. En tout cas, je sais pas, j'ai pas joué des tonnes ce format-là, puis comme je disais, j'ai pas Magic Online, mais je sais pas si toi, sur Magic Online, tu vois beaucoup de decks ultra-agressifs, mais peut-être à part bleu-blanc héroïque qui encore bleu là. blanc. J'ai aussi 220. Si je suis capable de faire by Blight, de gérer sa première créature, après ça de gérer sa deuxième créature avec un End of Stilities, peut-être même gérer sa créature avec un Tantise, tu sais. Ouais, pourquoi pas, ouais, c'est ça. Blue White héroïque qui existe là, puis qui est quand même vraiment très bon. Très Là. Fort, ouais. C'est bon contre le Spot Removal, c'est bon contre les decks qui ont des bloqueurs parce qu'ils rejouent à Aqueous Farm. Mm-hmm. Ça tue quand même assez vite. Là. Ils ont des cartes qui peuvent les sortir de la merde avec comme Ordeal of Iliad. Mm-hmm. Ils ont quand même beaucoup de card draw, Ordeal of Tassa, puis en tout cas. Oh, ouais, c'est une bonne liste. C'est un deck raisonnable. Oh, ouais, tout à fait. Que si t'es pas préparé, ben tu risques de mourir. Mais Sorin contre ce deck-là est juste incroyable parce que okay. Tu peux stabiliser. Une fois que tu as stabilisé, jouer Sorin, faire plus 1, moins 6, puis t'as gagné. Ils peuvent pas revenir de ça parce que leur but c'est d'aller vraiment vertical. Ouais. Un autre deck qui est bien placé en ce moment contre les tokens, puis qui a quand même une bonne des bonnes façons de piger les cartes avec les Dollar of Blossom, c'est Constellation et Dollar of Blossom, d'où moins que j'aime. Vert-noir, Constellation. Très bon contre Abzan aussi parce qu'il joue des Hornet Queen. Mm-hmm. Même juste, c'est un peu comme CDC Whip, mais pas de bleu, mm-hmm. pas de CDC. Un petit peu plus d'accélération, puis là, il va jouer des Genesis Hydra, puis dans le sideboard, ce deck-là, il se permet de jouer Ingaruk Swank. Ouais. Quand même une très bonne carte contre Abzan ou contre CDC. En Commander. Non, mais c'est surprenant comment cette carte est bonne. Ah, ben la puis, carte est malade. Doom Wink Giant, c'est quand même très bon. Ça, c'est très fort, honnêtement, très fort. C'est... Dans le deck de Constellation, Doom Wink Giant, c'est ridicule, là, honnêtement. Quand tu as une coupe d'enchantement en jeu, c'est n'importe quoi, là, c'est vraiment très bon. Là. C'est ça. Mais le deck de Constellation a vraiment de la misère contre Mardu Midrange. Qui ouais. Joue des Crackling Doom, qui joue beaucoup de Rimworld, qui joue End of Stilities dans son side. Fait que, ouais. Tu vois, là, il y a comme une couple de decks qui se mangent entre eux. Mais ça veut dire que c'est très diversifié. Il y en a plusieurs qui pensent que Standard en ce moment est à son meilleur de ce qui a jamais été depuis ah, c'est longtemps. Bon, là. Parce qu'il y a vraiment beaucoup de possibilités. C'est ça, c'est que. Dans le fond, on dirait qu'en haut de la pyramide, malheureusement, presque, c'est un peu tout le temps Abzan qui ressort, là, qui est là depuis le début puis qui a l'air d'être le seul deck qui est viable, mais vraiment pas. C'est le choix de deck est super large et plein de possibilités, puis ça dépend vraiment un peu du style de jeu que tu aimes avoir, le genre de carte que tu aimes. Parce que c'est ça, ça offre vraiment plusieurs possibilités. Je trouve que, comme tu dis, là, autant que Cons of Tarkir, il y a plusieurs personnes comme en limité qui trouvent que c'est un des meilleurs formats, mettons facilement des 10 dernières années, sinon un des meilleurs formats en limité qui a été imprimé. Comme début de standard, c'est aussi un super format standard, je trouve. Là. Même si, bon, justement, le Siege Rhino est assez... présent. Là, ben, l'année dernière, il y avait mono. Il y a eu un gros 3 mois là, où est-ce que c'était mono noir ou mono. Ah ouais. Ça, c'était dégueu. C'était à peu près tout. Puis ouais, là, c'était plate. Là, soudainement, là, il y a des decks avec des configurations. Puis c'est pas juste des decks des configurations de 3 couleurs. Des fois même, tu sais pas vraiment contre quoi tu joues. Tu vas voir. Mm-hmm. Si tu vois Nomad Outpost. Il peut avoir 2 decks là, qui jouent dedans. Il peut avoir Mardu Midrange, un peu avec des Ordering Outburst, puis même j'ai vu de ces decks-là jouer des Early the Alarm, mm-hmm. certaines personnes. Tu peux avoir des versions qui vont jouer très agressives, comme ça. Mais aussi, tu peux avoir une version plus contrôle avec beaucoup de Planeswalker, puis pour avoir beaucoup de Remover. Ouais. Fait que, une ouverture sur Temple of Malady, il y a comme 3-4 decks là, qui peuvent jouer ça en ce moment. Là. Des decks de Constellation, c'est des CDC's Whip, Abzan. Ouais, c'est pas mal ça. Trois decks qui Quand jouent même. ça. Fait que si tu vois Temple of Maladie, tour 1, Tu sais pas, là. puis que t'es sur le draw, tu piges, tu joues une land qui scrape, puis là tu vois une carte sur le top de ton deck, puis tu sais pas si tu la gardes ou pas, là. Ouais, c'est vraiment Pas contre quoi tu intéressant. joues. Ouais, Ça, c'est intéressant parce que tu as des décisions à prendre. Puis les ouais. joueurs qui jouent beaucoup aiment ça. Ce genre de situation-là où est-ce que tu dois prendre des décisions. Ouais, ben oui. Puis écoute, tu vois, c'est comme tu dis, c'est que l'année passée, à ce temps-ci, je veux dire, l'autre, il jouait soit une île ou une swamp. C'est quand... Oui, c'est c'est ça. Puis bon. c'était pas mal. Ah, Ouais. c'était pas mal clair, C'est là. ça, exactement. Puis d'ailleurs, ça me fait penser, là, je regarde un peu des listes tandis qu'on jase. Puis ce qui est le fun aussi, là, c'est que en ce moment, il y a des cartes en standard qui sont pas trop chères. Parce que standard, ça a été souvent un peu le problème, c'est que c'était pas jouable. Parce que les cartes, ils ont des pics. Je me rappelle, mettons, juste un exemple, là, mettons Boros Reckoner. Là, il y a un moment donné où c'était 35$ cette carte-là. Tu sais, comment tu peux jouer standard quand Boros Reckoner, mettons, était 35$, tandis que, mettons, c'est une carte qui vaut réellement 3-4$. Tu sais. Mais en ce moment, tu sais, il y a des cartes qui sont quand même bonnes, qui sont présentes. Puis, mettons, comme je pense à Butcher of the Horde, mettons, qui est une très belle carte, qui, je pense, va être en standard pendant facilement toute la saison. Qui est comme 2$, il y a moyen de se monter des decks en ce moment. Tu sais, du Sky Token, ça coûte absolument rien à monter, à part en ce moment qu'il y a les Goblin Rebel Master qui sont un peu trop chers, mais je trouve que justement, ça offre aussi une possibilité de, si tu es un peu sur un budget, ben il y a une possibilité de plein de decks, puis tu peux aller, tu sais, bleu, blanc, Ouais, héroïque, là, absolument. ça coûte rien monter ce deck-là, là, tu sais, c'est pas pire là, quand même, c'est le fun, ça aussi, là, le fait d'offrir à des joueurs la possibilité de pas non plus avoir besoin de faire une hypothèque pour jouer à Magic, tu sais. Mais tu as raison. Puis c'est vraiment très intéressant. En ce moment, tu n'as pas vraiment besoin de. T'es pas quand il y avait un format où est-ce que 25-30% des joueurs jouaient. Mono bleu, puis 25-30% des joueurs jouaient mono noir, puis le reste essayait de faire de quoi avec des Xalagos ou des choses comme ça. Là. Ouais. Tu te retrouvais avec une grosse demande envers certaines cartes. Là, en ce moment, pas mal n'importe quoi peut faire un deck standard. Fait que c'est une bonne nouvelle pour les joueurs. Ben moi je trouve que oui aussi, honnêtement. Tu Il sais, y a c'est aussi ça. le fait qu'il y a vraiment beaucoup de cartes de boîtes de Cards of Tarkir qui ont été ouvertes pour les Fetchlands. Ouais, tout à Les gens fait. sont un peu virés sur le top. Mais oui, t'as raison. Ben oui, ben puis à la limite, tant mieux justement parce que moi je vais te parler d'un. Tu sais, je sais que justement, on en a parlé un peu hors d'onde aussi, Renaud. Le fait que Magic, je veux pas, autant c'est un. Bon, certaines personnes achètent des cartes simplement pour jouer. Et bon, oui, les collectionner, mais moins pour, par exemple, investir. Autant il y a des gens qui approchent ce jeu-là, oui, comme pour le jouer, mais aussi qui sont vraiment conscients de l'aspect presque investissement de Magic, qui connaissent un peu les tendances du marché de Magic, parce que c'est un marché, il y a des hauts, il y a des bas, il y a des cartes qui ont plus de valeur. Par exemple, une carte qui va être jouée Legacy, ben, en foil, elle va valoir beaucoup plus cher parce que les joueurs qui jouent Legacy ont tendance à vouloir les cartes foil. Donc, en tout cas, il y a plein de tendances. Ce qui fait que Magic, au-delà d'être un simple jeu de cartes, c'est aussi une espèce d'hybride entre collectionner et investir. Et quand ils ont annoncé qu'ils allaient réimprimer les Fetchlands dans Cards of Tarkir, à ce moment-là, les Fetchlands des couleurs ennemies, par exemple Scalding Tarn, ça valait à peu près 90$. T'sais, moi, mettons que je voulais me monter un deck moderne, puis je joue Jeskai Control en moderne, mais j'avais pas mes Fetchlands, c'était hors de question que je me paye des lands à 90$. T'sais. Mais là, ça l'a descendu un peu. Je sais que c'est plate un peu pour les gens qui collectionnent Magic, puis un peu qui voient ça comme un investissement, mais en même temps, pour les joueurs, c'est le fun aussi que ça soit relativement accessible, puis qu'on puisse jouer le jeu à un niveau relativement compétitif non plus, sans trop avoir à investir. En tout cas, ça, c'est mon point de vue, mais je respecte beaucoup aussi ceux qui ont l'approche un peu plus investissement, puis qui essaient d'utiliser Magic comme une manière de collectionner, puis de faire un petit profit, puis c'est bien correct, mais moi, comme joueur qui essaie des fois d'approcher des nouveaux formats, comme mettons, je me disais, ah, j'aimerais ça peut-être approcher Legacy tranquillement. Je suis un vieux joueur de Magic, mais j'ai déconnecté pendant un certain temps, mais là, les dual lands, ça, il n'y aura rien à faire, je ne pourrais pas. Fait que, tu sais, c'est ça. Il y a des fois une barrière financière pour ce jeu-là, mais en même temps, ça fait partie aussi de la beauté de Magic, là. Rien d'autre à rajouter là-dessus. Excellent. Fait que dans le fond, toi, Renaud, est-ce que... Ben, à part peut-être le fait que on va être quand même un petit peu servi l'année prochaine avec Modern Masters 2.0. Ben oui, vraiment. 2015. Ouais. Qui a été annoncé pendant le World Magic Cup. Mm-hmm. Et puis, ça devrait affecter le prix de certaines cartes là, qui n'ont pas nécessairement de raison d'être aussi élevées. Là. On parle ici de Emrakul ou de Mox Opal. Le fait qu'il ait annoncé Edge Champion, là, moi, ça me dit qu'il va y avoir Mox Opal. Là. Si Okay. tu as Metalcraft dans le set, je pense bien qu'ils vont réimprimer Mox Opal. Okay. Bon, il y a un certain nombre de cartes qu'on se demande pourquoi elles sont si élevées, mais c'est parce qu'il y a vraiment beaucoup plus de joueurs maintenant qu'au moment où ces séries-là ont été imprimées. Ouais, vraiment. Qui fait en sorte que la demande pour ces cartes-là est élevée, mais qu'il n'y a pas eu assez de cartes d'imprimées. Aujourd'hui, avec Khans of Tarkir, on n'a pas ce problème-là. Il imprime en fonction du nombre de joueurs qu'il y a aujourd'hui. Donc, il y a vraiment beaucoup plus de Khans of Tarkir qui est ouvert, qui est imprimé. Donc, les cartes standards qu'il y a aujourd'hui risque pas d'augmenter de manière significative là, dans les prochains mois Ouais. parce qu'il y en a vraiment eu beaucoup plus d'ouvertes. Puis, il faut qu'ils jaugent ça parce que, comme tu as dit, tu n'as pas acheté de Scalding Town à 90$. T'es pas le seul. Ouais. T'es pas le seul qui joue pas moderne à cause du prix d'entrée. Carte. Le fait qu'ils réimpriment dans Modern Masters, c'est une bonne nouvelle pour les joueurs, c'est une bonne nouvelle pour la communauté, ça va leur permettre de respirer un peu, puis d'entrer dans un nouveau format qui est très intéressant puis qui est très compétitif. Ben oui, puis en même temps, c'est ça, c'est que je pense que ce que Wizards a réussi à faire avec Modern Masters 1, c'est de quand même aussi réconforter à quelque part les gens pour qui Magic, c'est justement un peu plus le côté collection puis investissement. Parce que je prends l'exemple de Tarmogoyf ou de Vendilion Click, deux cartes qui, au lieu de perdre de la valeur après Modern Masters, ont gagné de la valeur parce qu'en fait, les versions imprimées de Modern Masters sont aussi rares, sinon plus rares que les versions originales. Peut-être pas plus rares, mais sont rares aussi parce que c'était une série qui était peu imprimée. Là, je pense que Wizards ont comme vu que, bon, ils pouvaient se permettre d'imprimer ces cartes-là dans un set, disons, plus expert, à tirage plus limité, et que ça affecte pas trop le marché. C'est que si Wizards réussit à attirer des nouveaux joueurs en les intégrant dans le marché, en leur permettant d'acheter des cartes à un prix raisonnable au début, comme à Modern Masters, les Tarmogoyf avaient quand même baissé d'à peu près 50$ au début. Mm-hmm. Donc là, ça leur a permis à ces gens-là d'acheter des Tarmogoyf, de rentrer dans le format, puis une fois qu'ils sont rentrés dans, une fois qu'il y a des gens qui ont commencé à rentrer dans le format, ça a attiré d'autres gens, puis là, les prix ont commencé à remonter après ça. Ouais. Si Wizards réussit encore, là, c'est de savoir quelle place qui reste pour la croissance de Magic. Est-ce qu'il y a vraiment tant de joueurs que ça qui vont s'intégrer à la communauté encore? Mm-hmm. Est-ce qu'il reste de la place? Est-ce qu'il y a encore ça, Wizards doit être au courant de la quantité de joueurs potentiels qui leur restent. Ouais, ouais, ouais. Ça, c'est leur travail, tu sais. Mais s'ils savent ça, puis qu'ils sont capables de faire augmenter encore le nombre de joueurs, il n'y a aucune raison pour laquelle la valeur des cartes descendrait. Parce que ça général, va être en moyenne, évidemment. Exactement, je comprends ce que tu dis. Fait que Wizards, dans le fond, vont imprimer en fonction du nombre de joueurs, donc ça va être quand même proportionnel, donc ça ne va pas non plus faire... Je pense qu'ils sont très prudents quand ils sont généralement très prudents quand ils réimpriment des cartes. Ouais. Ils ont conscience que les gens ont investi dans le jeu et qu'ils veulent au moins, au moment de sortir, au moins avoir là, 60% de ce qu'ils ont mis au Mm-hmm. moment de sortir. Là. Ouais, Les tout à gens fait. s'attendent pas à se ruiner avec Magic. Là. C'est ça. Et, Il y en a même qui pensent pouvoir faire de l'argent avec ça, mais ça, c'est une autre affaire, Ouais, c'est une autre affaire. là. J'écoute une balado, moi, je suis un fan de balado, c'est pas pour rien qu'on en a commencé une. J'adore ce format-là, puis j'en écoute une qui s'appelle, c'est en anglais par exemple, c'est Brainstorm Brewery. Puis c'est eux, ils sont comme trois ou quatre à animer le podcast, ben la balado, puis c'est vraiment sur la finance de Magic. Écoute, ils sont passionnés, puis ils connaissent ça à fond en comble, puis eux, c'est que ça, là, à la limite, ils jouent juste pour connaître les tendances, pas tant parce qu'ils trippent sur le jeu. Bon, oui, ils aiment beaucoup le jeu, mais c'est pas pour performer ou quoi que ce soit, c'est juste pour comme voir quelle carte qui est populaire, puis ça, puis essayer de prévoir un peu les courbes, puis ils achètent en quantité, puis fait qu'ils traitent Magic presque comme la bourse, là, tu sais, c'est une autre approche qui, moi, bon, je peux pas dire que j'entérine cette position-là. Moi, c'est pas du tout comme ça que j'approche Magic, mais ça existe, puis c'est clair, là. Je veux pas, ça a une valeur, Sincèrement, si Magic, j'avais là. assez de temps pour prévoir des mouvements de marché dans Magic, je ferais la même chose, mais je le ferais à la bourse, puis Ah, c'est ça. je ferais pas plus substantiel, tandis que la manutention des cartes, puis tout ça, l'enfer, là, c'est tellement l'enfer, là, écoute, j'ai de la misère à classer mes boîtes. Puis, s'il fallait que je fasse ça pour faire des 5% sur des cartes, là, Ouais, c'est ça, c'est exactement. pas Ben, mal. écoute, ça me donne une idée d'épisode, en tout cas, justement. Ben, de peut-être, on pourra peut-être approcher ce topo-là, Magic, sans jouer à Magic, au sens où pas le jeu, mais le volet collection, un peu, peut-être comment tout. Parce que je sais que t'es quand même un collectionneur aussi de Magic, là. Mais c'est parce que ça, t'as besoin d'une carte pour jouer, fait que Oui. j'ai une carte pour jouer Ouais. et je m'assure que je t'sais, les cartes que j'utilise, ben je les ai à disposition. Puis que les cartes que j'utilise pas, ben je m'en débarrasse, t'sais. Je les garde pas ad vitam aeternam, puisque je sais que qui est une valeur sûre, je les garde. Ouais, Mais c'est ça. Mais je ça, c'est. m'arrange juste pour que ben ça me coûte pratiquement rien, là, que ça me coûte juste les déplacements dans les tournois. Mais c'est ça, parce que J'essaie de garder ça au minimum. je me rappelle d'une fois, Renaud, on était au Griffon, pour ne pas le nommer, et t'as acheté un Young Pyromancer foil à 12$. Puis moi, j'étais comme, what the heck? Pourquoi t'achètes une uncommon foil à 12$? Et à cette époque-là, je savais pas, comme tout le côté, justement, là, que Legacy, foil, tout ce petit côté-là. Puis là, avec le recul, je fais, OK, je comprends pourquoi qu'il a acheté un Young Pyromancer à 12$ foil. C'est parce que ça a du sens. C'est ça, c'est qu'il y a un côté aussi où Magic, ben, C'est ça parce que peut. c'était une bonne carte. Ben oui, mais c'est aussi le fait que, parce que peut t'arranger, comme tu viens de. D'ailleurs, je Oui. les ai vendus au New Jersey. Ah ouais, J'avais un playset, j'en avais quatre. OK. Puis j'ai payé une bonne partie de ma fin de semaine avec. Je les avais achetés 10, 12. J'en avais échangé aussi. J'en avais échangé un. Ça m'avait presque rien coûté. Puis j'ai vendu le playset pour 100$ dans un magasin Ouais, ouais, c'est ça. Fait que dans le fond, c'est ça, au New Jersey. le 100$ US. Dans le fond, il n'y a rien de mal à ça. En fait, c'est parfait, justement, d'être. C'est une des parties qui est le fun aussi de Magic, de savoir qu'on peut un peu rentabiliser notre hobby, notre passion, puis de faire, bon, ben, je vais être capable de recouper mes frais, puis je comprends un peu comment ça fonctionne. Donc, j'essaie pas d'en profiter au détriment de d'autres joueurs, mais oui, de savoir un peu qu'est-ce qui va peut-être prendre de la valeur pour telle ou telle raison. Donc, c'est un sujet quand même très intéressant, puis j'aimerais ça peut-être qu'on y revienne dans un prochain épisode, Renaud. Tout à fait, mais là, le temps file. Oui. Moi, j'aimerais ça juste dire, parce qu'on n'aura pas le temps d'en traiter en profondeur, là, mais continuez de réagir, là. Il y a eu des réactions sur le groupe MTG Sherbrooke à propos du dernier article que j'ai mis dimanche sur le site. Magic est-il un sport? Je vous le demande. Moi, je crois quand même que oui, parce que ça répond aux critères, trois caractéristiques qui définissent le sport. Dans des définitions de concept, soit répondre à une qualité physique, l'endurance dans les tournois, que c'est une activité institutionnalisée, fait que c'est des règles universelles régies par DCI, et puis que c'est une compétition. Dans ce contexte précis-là, Magic pourrait être, à mon avis, considéré comme un sport. Mais évidemment, comme le vélo, il y a le Tour de France, puis il y a moi qui s'en va chercher des chips au dépanneur. Le vélo n'est pas nécessairement toujours un sport. Magic pas nécessairement toujours un sport non plus. Ouais. Mais je vous invite à continuer de réagir, soit sur la page du groupe ou même m'envoyer des messages pour vos commentaires. C'est très apprécié. Il y en a plusieurs qui l'ont fait et je trouve ça intéressant. Ça m'a permis de trouver des meilleurs exemples encore dans le débat, puis de pouvoir alimenter la discussion. Nicolas Roy de Sherbrooke qui nous a envoyé des informations sur la psychologie sportive. Ouais, c'était Comment fort, les ça. équipes de rugby en Nouvelle-Zélande, l'équipe de rugby All Blacks se prépare pour se mettre dans la zone, tu sais, pour se mettre, ils font une espèce de danse rituelle. C'est vraiment intéressant comment Hey, mais ils se écoute. mettent en tête pour être focus. Peut-être qu'il y a des gens qui pourraient regarder ça attentivement, puis améliorer leur préparation pour les tournois, pour être vraiment concentré, puis garder, il appelle ça la tête bleue, la tête froide. C'est garder la tête froide, là. Mais il y a la psychologie sportive qui pourrait nous en apprendre beaucoup. Et puis, si on voit Magic comme un sport, je pense que on peut s'y préparer comme si c'était un sport, puis améliorer nos performances en tournoi en conséquence. Fort intéressant, Renaud. D'ailleurs, ça aussi, on se garde un autre épisode pour Ouais. ça. Hey, On en parle brièvement parce qu'on est chef, là, mais. Ouais, c'est clair, mais puis j'aurais plein de choses à dire là-dessus aussi. J'ai un ami qui est un athlète de haut niveau. Il me parlait que c'est super intéressant ça. Il était sur l'équipe canadienne de patinage de vitesse courte piste. Et qui est d'ailleurs le frère d'un joueur de Magic de Sherbrooke. Et ils passent des tests, là, donc ils ont comme des électrodes, là, c'est comme branché sur leur tête, puis il faut qu'ils trouvent une zone, puis ça a un impact sur il y a un écran, puis admettons, il y a comme une ligne qui avance, puis tant qu'ils sont pas capables de calmer leur onde cérébrale, ça fait une espèce de bruit, ou des fois ça va être une souris, mettons, qui va comme être pognée, puis là, à un moment donné, quand ils réussissent à être dans un état d'esprit X, là, quand ils sont calmes, par exemple, ou là, la souris se met à avancer. Donc, il y a vraiment un lien entre l'écran, ce qui se passe à l'écran, puis leur pensée. Et quand ils réussissent à être dans un état d'esprit où, mettons, le cœur bat à une certaine vitesse et que, mettons, l'activité cérébrale est à comme un certain équilibre, là, il y a carrément un scientifique qui dit, OK, là, tu es dans ta zone. Fait que je sais pas à quoi tu penses, je sais pas ce que tu es en train de faire, mais c'est exactement ça qu'il faut que tu aies comme sensation pour être au maximum de tes capacités quand tu es en compétition. Fait que c'est vraiment super intéressant là, qu'il y ait, justement, dans le sport, la science du sport est extrêmement avancée, puis comme tu dis, il y aurait quelque chose à aller chercher là pour les joueurs qui veulent jouer à un niveau compétitif de Magic, parce que au-delà du mot sport qui souvent on associe vraiment à l'effort physique, ben il y a tout le côté compétition qui Magic fait clairement pas abstraction au côté compétitif. D'une activité X, là, qu'elle soit hyper physique ou un peu moins physique. Là. Et comme aurait dit Nicolas Bellin, qui est vraiment pas d'accord avec moi, il dit un sport, ça prend de la sueur. Puis il dit, ben, la sueur, il y en a dans les Grands Prix. Ah oui! Il y en a pas mal. Ouais. All right, super, Renaud. Écoute, on va fermer cet épisode. On va se laisser sur ça, puis on va se revoir la semaine prochaine. Merci à tous nos auditeurs. Si vous voulez nous suivre, allez voir notre site balado magic101.wordpress.com. Un de ces jours, d'ailleurs, on va peut-être essayer de se trouver un commanditaire pour avoir un site officiel baladomagic101.com ou .qc.ca, qui sait. Donc, sur ce, on vous dit... Québec. Ouais, ouais. C'est vachement disponible. On vous dit à la semaine prochaine. Salut, Renaud. À la semaine prochaine. Ciao.